Aujourd'hui, le lundi 14 septembre 2020, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Pour la première fois de mon émission, il n'y aura pas d'animation en ce 14 septembre, puisque je me remets difficilement de la COVID-19. Mais pour vous faire connaître une chanteuse extraordinaire qui s'appelle Leila Ousoud, qui a sorti un album il y a de ça 2 ans, L'ombre, c'est un CD en spectacle, donc je vous laisse sous le charme de Leila et on se retrouve après pour annoncer mon invité. Alors, bonne écoute, malgré quelques tumultes. Merci. À toi, Leila. Mais j'ai pas la taille qui rassure, c'est bien pour trouver une planque, alors je me plains pas de ma carrure. D'accord, j'y pense tous les soirs, trouver un recoin dans le noir, ils sont beaux, mais je vous assure qu'il n'y a rien de plus flippant que vos regards. Parce que je les prends en pleine figure, parce que je les sens quand je les vois pas. Dans chaque rêve, j'oublie ma ceinture et je finis de chanter sans le bas. On s'en parle des petites ratures et de l'extinction de voix, mais le projo qui enflamme ma chevelure, on dirait que ça inquiète que moi. Ce qui est bien quand on est une trouillarde, c'est qu'il faut du courage pour tout. On se cramponne à la rambarde, mais on est fiers d'être debout. Chacun ses peurs et ses élans, moi c'est de vous parler qui me tend le premier bonsoir et le plus dur. Allez, je l'arrache comme un pansement. Bonsoir. Jusque je pensais à vous. Sans me dire que c'était pour toujours, mais bon, ça devait tenir le coup. C'était joli de croire en tout ça, de penser qu'on était différents, nous. divorce, on connaît pas, on fait partie des 10%. Voilà que mon mythe se casse la gueule et que mon enfance se barre avec. Devenir grande, ce sera le deuil de ma famille presque parfaite. Je refais nos midis en terrasse, j'entends le bruit de la fontaine. C'est le premier avion qui passe et le clocher sonne de plus belle. Et elle, elle pleure au téléphone, en priant pas lui en vouloir. Comment en vouloir à personne quand ma maison devient nulle part. Je sais que c'est pas intelligent, que c'est pas une réaction de grand d'écrire ces mots pour la blesser. Mais je préfère chanter ma rancœur plutôt que me noyer dans mes peurs en pensant mon père se faner. Je voudrais qu'il reprenne sa guitare et qu'il se remette à chanter. Je voudrais qu'il ait de la rancœur au lieu de l'admirer parce qu'elle a su vouloir aimer. Fais nos midis en terrasse, j'entends le bruit de la fontaine. C'est le deuxième avion qui passe et le clocher sonne de plus belle. De grand devant tout le monde de tout déballer. Mais comment dire je t'en veux, les rimes c'est encore ce que je fais de mieux et ça t'oblige à m'écouter. Lancer la révolte en fermant le poing. Je vous ai vu chanter comme on aime, je vous ai vu danser comme on mène, trembler en sortant de scène. Vous aviez la sueur en commun et dans vos poches de forains les mots qui font crier les foules et les notes. Pourtant je troquerai pas mon français qui sent la pinasse à plein nez, le bistrot du coin, la musette, les champs de lavande et la violette. Je resterai pendu à la moustache de celui qui m'a bercé les chansons subtiles aux potaches. L'accent c'est toi, le faux sourire gêné. Le Reggiani sa peau plissée, le Moustaki sa liberté. Je ferais peut-être valser un gavroche sous les lampions si je trouve un cordon pour qu'on les accroche. Mais j'ai aimé cramponner aux barrières qui séparent votre scène de la terre, me sentir au milieu du plein, sauter en rythme plus ou moins. J'ai écouté autant vos pieds frapper le sol. Je l'avoue que vos paroles, le frisson parcourant vos mains, me suffira jusqu'à demain. On aura la sueur en commun et dans nos poches de forains, les mots qui font chanter les foules et les notes qui défoulent. Pourtant je troquerai pas mon français qui sent le vin rouge à plein nez, le bistrot du coin, la musette, les champs de lavande et la violette. Ce sera vin blanc sous les tonnelles, la retraite de mes rengaines. Moi je joue en fin d'après-midi et quand le soleil est parti, je vais me cramponner aux barrières qui sépare votre scène de la terre. Je vais écouter autant vos pieds frapper le sol. Je l'avoue que vos paroles, on aura la sueur en commun et dans nos poches de forains, les mots qui font chanter les foules et les notes qui défoulent. Voilà le temps de partir sans avoir personne où aller. Je sais pas quoi construire, mais pas d'envie, c'est pas de regret. Voilà le temps de vomir sur cet amas de gueules en biais, à qui je sais plus quoi sourire, à qui je sais plus quoi causer. On en a bien parlé de l'époque de ces enfants qui savent plus aimer, mais comme faut bien vider les stocks, la logistique fait des bébés. La nièce voudrait pas virer conne, ça tient un peu de subtilité. Il paraît qu'à trop croire en l'homme, y en a quelqu'une qui se font baiser. Prends tes carnets puis deviens tout ce que t'as jamais supporté. Écris l'angoisse et le chagrin. Personne ne meurt sans se vider. On s'est dit, faut partir de rien et puis se faire tout seul avec du vide plein les mains. Tu l'imagines, ma petite gueule, le sourire paumé en chemin, parce que ça plaît plus à personne quand la gosse se change en chien et que le chien grogne. On en a bien parlé de la foi, celle qu'on met là où on peut, mais quand y a de la place pour une croix, y a des chances que ça sonne creux. Ta guitare, ton amour, c'est ta musique. Moi je vous dis que c'est mon désespoir. Une vieille fille alcoolique qui demande à me voir tous les soirs, à m'inspecter les tripes. Elle prend ce qu'elle veut et elle se marre à le traîner en public. Ça devait être de ces chansons où le bout d'espoir se pointe à la fin, qui vous laisse pas sauter du pont sans un nani coussin. C'est beau, l'ombre d'un arbre qui rafraîchit une chanson. Le tilleul du café du canal, le pain parasol de la supplique du patron. Alors je fredonne sous le figuier au frais des beaux jours. Si l'ombre de l'arbre me sied, j'aurai les bons mots à mon tour. On pleurait sur les feuilles mortes à l'automne, le vent soufflait dans les sonnets. Pluton n'y brise aujourd'hui pour personne, c'est la canicule à la télé. Alors je fredonne sous le figuier au frais des beaux jours. Si l'ombre de l'arbre me sied, j'aurai les bons mots à mon tour. La première fois que j'écrirai pour me soulager. Moi j'ai mes pleurs au bout des doigts et ça remplit mes cahiers. À chacun ses petites misères et sa manière de s'épancher. J'ai l'air stupide avec une bière, alors je préfère vous les jouer. J'écrirai vos mots et vos piques, je pardonne à tous les cyniques, mais j'entends bien ce que vous me dites. Que j'ai la chance de pas être trop moche et de faire de la merde grand public, ça va rentrer dans ma caboche, que je comprends rien à la musique. Et c'est tellement mignon mon guitare voix acoustique, c'est une obligation, pas un choix artistique. Moi je me fais mal à la pudeur, à chaque mot que je couche y'a pas de ligne de sueur. Pour ça il suffit de ma bouche. Il faut se créer J'essaie d'être moi, laissez-moi faire. Peut-être pas assez spécial, ni assez spectaculaire. J'ai tous vos conseils en tête, mais je voudrais juste rester honnête. Prenez pas ma simplicité pour un excès de fierté. Moi je me fais mal à la pudeur, à chaque mot que je couche putain écrire, ça fait peur, et pourtant je suis pas farouche. Si tout ce que j'ai d'intéressant, c'est ma bouille de petite fille, va falloir se faire une raison. Le talent tient qu'à un fil. Je me mets au régime demain, faudrait pas perdre la main. Quelqu'un m'a dit que le génie arrive avec la taille mannequin. Allez pas croire que c'est facile de défendre ce que j'ai de fragile. C'est vrai, j'étais pas obligée. Je vous laisse entendre, à vous de juger. Est-ce que j'écris pour de vrai? J'ai la chance de pas être trop moche et de faire de la merde grand public. Ça va rentrer dans ma caboche que je comprends rien à votre musique. Allez pas croire que c'est facile de défendre ce que j'ai de fragile. C'est vrai, j'étais pas obligée. Je vous laisse entendre à vous de juger. Est-ce que j'écris pour de vrai? Je te vois, j'ai dans la tête cette conte formule qui me dit de plus dormir sans tes bras. Tu ressembles à rien de ce que je donnais à mes 20 ans. Y avait ma gratte, un lit, une place et l'horizon au bout du vent. Y avait mes petits doigts glacés. Ça m'allait bien, l'hiver n'a jamais vu l'été, et je crois pas qu'il s'en plaint. J'avais pas tes grandes idées, ni ton baratin, mon projet était bien ficelé, c'était la fuite à chaque train. J'avais ma gueule de rien du tout. Pour dire merde au destin, à l'endroit où le visage est un trou, je criais le néant de mes intestins. Et ça sonnait bien, qu'est-ce que je foutrais d'un trop plein? Y en a au-dessus, en dessous, et le milieu à l'épégain. Y a mes petits doigts glacés qui crament entre tes mains. L'hiver qui croise l'été, ça fait autant de peur que de bien. Y'a mes petits doigts glacés qui crament entre tes mains. L'hiver qui croise l'été, ça fait autant de peur que de bien. Tu ressembles au ridicule, va pas te vexer, mais quand je te vois, j'ai dans la tête cette conte formule qui me dit de plus dormir sans tes bras. Tu ressembles à rien de ce que je donnais à mes 20 ans. Y avait ma gratte, un lit, une place et l'horizon au bout du vin. Pour mes petits doigts glacés, moi j'irais choper des gants. Si l'été venait à se barrer, je garderais le chaud pour un moment. Doigts glacés, moi j'irai choper des gants. Y a toujours une fin à l'été, mais qu'il prenne son temps. Mais qu'il prenne son temps.

déjà quand on m'a demandé « Elle est où toi ?» Ta chanson d'amour, celle qui ressemble à du velours. Moi, j'ai pas 30 000 histoires qui ressemblent à mon pantalon noir. Façon le velours, j'y connais rien, mais j'ai un rouge à lèvres carmin. Oui, mais voilà que je paniquais. Je crois que je me découvre pudique. Si j'ai jamais écrit sur ça, c'est que mon amour, vous l'aurez pas. Je veux pas entendre, je me suis reconnue. Je veux pas qu'on me dise ça, je l'ai vécu. Et pour finir, moi j'y crois plus. Je veux pas voir vos expériences se délecter de ma naïveté. Vous me comptiez l'amour et ses danses en montrant les ampoules sous vos pieds. J'aime toute la candeur qu'il me reste et je ferai tout pour qu'on me la laisse. Alors sur ce si beau sujet, l'amoureuse se tait. Je suis égoïste, mais ça change rien l'amour. Vous connaissez le refrain, je te le dis quand même. Et bah pas moi, j'ai pas encore le courage pour ça. Pourtant, j'avais le modèle sous le nez. Il me restait plus qu'à dessiner l'amour en vrai sur du joli papier. Mais je veux pas voir vos expériences se délecter de ma naïveté. Vous me comptiez l'amour et ses danses en montrant les ampoules sous vos pieds. J'aime toute la candeur qu'il me reste et je ferai tout pour qu'on me la laisse. Alors sur ce si beau sujet, l'amoureuse se tait. Je suis égoïste, mais ça change rien l'amour. Vous connaissez le refrain, je te le dis quand même. Et bah pas moi, j'ai pas encore le courage pour ça. Trop haut pour y coller des étoiles. J'avais pendu mes stylos, ça rend le vide moins banal. Je rêvais de ce garçon quand ma couette décidait de m'engloutir du cou au peloton parce que la nuit était tombée. Lui, la voix grave, articulant chaque syllabe, la classe la plus nonchalante qui soit, ses valses me calmaient déjà. J'avais pendu toutes les couleurs, ne sachant pas si mon gangster préférait coucher ses humeurs en rouge, en bleu, en noir, en vert. Lui, l'homme du moment, chantait la femme aux mille amants en caressant sa guitare. Et moi j'avais plus peur du noir. Quand il voudra mettre du vent, chanter son destin de chômeur intermittent, il pourra penser peut-être à celle qu'il voit gangster vedette. Tous les matins, suivant ses traces, le regard lointain, l'air blasé, j'articulais mon brassens debout sur les cabinets. Quelle meilleure scène pour débuter, surtout qu'en face des toilettes, il y avait un miroir accroché, je pouvais détailler mes scénettes. Lui, l'homme du moment, chantait la femme aux mille amants en caressant sa guitare. Et moi j'avais envie de vous voir. Quand il voudra mettre du vent, chanter son destin de chômeur intermittent, il pourra penser peut-être à celle qu'il voit, gangster, vedette. Je me souviens m'être demandé où il pouvait bien répéter. Il était trop grand pour les chiottes, il serait vu que les fesses et les pieds. Si tu veux bien, Alexis, je te monte d'une étagère, je te mets sur celle des génies qui ont su l'être sans en avoir l'air. Quand tu voudras, maître du vent, chanter ton destin de chômeur intermittent, tu pourras penser peut-être à celle qui te voit, gangster, vedette. Julia Roberts, Hugh Grant ou bien Emma Chambers, qui m'a fait rire aux éclats entre deux carreaux de chocolat. C'est vrai, coup de foudre à Notting Hill est parfait pour la pose subtile du masque à l'avocat. On connaît tous ces moments-là. On connaît tous ces moments-là. L'instant où la jeune fille qui a pas l'amour facile tape sur Google film en streaming. L'instant où la jeune fille au chagrin d'amour futile vit sa romance en streaming. En baissant les yeux, j'ai regardé mes pieds. Et puis mieux pour finir d'être ridicule, j'inspire essoufflant me disant prendre du recul. De prendre du recul. Après l'avoir vu à ton bras, j'ai dû regarder Casablanca. Et pour avaler votre baiser, des redifs dont n'est pas couché. Comme toutes les jeunes filles qui ont pas l'amour facile, je me laisserai consoler par la détresse des invités. Car comme toutes les jeunes filles, au chagrin d'amour futile, je suis contente de pas être la seule à me faire jeter. J'ai vu Diamant sur canapé la septième fois, pas en entier. Audrey n'a pas perdu son charme, mais je voyais flou à cause des larmes. Je voyais plus rien à cause des larmes. Donc j'ai cherché Woody Allen en soufflant sur ma tisane, et j'ai regardé Manhattan. Dirty Dancing, Love Actually, Pretty Woman, Remember Me, ce que pensent les hommes, meilleur ennemi. Ma première fois est Paris à minuit. Heureusement pour toutes les jeunes filles qui ont pas l'amour facile, y a les comédies en streaming. Aux grands mots, les grands remèdes, je me tape l'intégrale de Charmed. Si j'avais des super pouvoirs, ça me ferait beaucoup moins mal de te voir. Ça me ferait beaucoup moins mal de te voir. Et aux côtés DiCaprio, je laisserais mes petites misères entre Ashton et Jude Law. J'oublierai de vouloir te plaire. Et si je m'adresse aux jeunes filles, c'est que les garçons, depuis longtemps, ont trouvé leur équivalent. Pour ceux qui n'ont pas l'amour facile, y'a YouPorn,

parce qu'en fait, il y a beaucoup de domaines où ça me plaît de faire les choses, mais ça ne m'impressionne pas tellement parce que je me sens à la manœuvre. Même si c'est bien, pas bien, c'est pas grave. Je peux dessiner un peu, faire mes trucs, faire un peu d'art plastique, écrire, tout ça, tout ça. Ça demande aucune formation, ça demande juste être se libérer. Tandis que la musique, de par sa science aussi, quelque part, son langage particulier, etc., ça m'a toujours intrigué parce que j'en ai pas forcément les outils. Donc ça m'amuse comme... Il n'y a pas besoin d'outils, c'est l'être humain avec ses sensations peut arriver à quelque chose. Non, mais il existe des outils comme les instruments, tout simplement, Voilà, qui réclame des apprentissages, qui réclame un doigté, qui réclame des choses. Quoique la sonorité, la musique actuelle, c'est vrai. Ne réclame aucune formation. C'est vrai, c'est vrai. Parce que là, on enfoule la musique, on la limite à la convention musicale. Mais c'est vrai. Il faut sortir des conventions. C'est vrai, mais moi, ça reste une convention, la convention musicale qui m'intrigue, qui m'intéresse, parce que justement, c'est un langage que je ne possède pas, comme m'intéresse souvent aux origines des choses, comme ça. Bon. Et tu veux aller gratter? J'irai gratter, mais j'ai pas la capacité, ni la patience, ni la formation. Donc voilà, je bidouille tout ça. Mais par contre, mais bidouiller, ça... tu sais que ça diminue un peu le travail que tu fais, bidouiller. Ça, non, mais je suis conscient de mes limites là-dedans. Je vais pas me faire passer. C'est pas parce que tu sais que tu joues pas d'un instrument, tu prends la table, ça fait de la musique. C'est pas juste ça pour moi, parce qu'en fait, je pense que quand je dis ça, comment dire ça. Je pense qu'on est. Tu as raison dans ce que tu dis, mais on est musicien dans le fait qu'on pense musique. On pense musique. Okay, voilà. Comme toi, alors que c'est pas mon cas. Okay, je comprends. C'est pas mon cas. Okay, ma pensée peut pas s'articuler comme ça. Et je le sais. Alors évidemment, je pourrais, comme toi, comme tout le monde, on peut trouver une mélodie sur quelque chose, tout le monde peut arriver à ça. Mais c'est pas générateur d'énergie pour moi. Là, tu vois ce que je veux dire? C'est pas générateur d'énergie vitale. Alors que je sais que quand j'écris, quand je fais un petit dessin, un petit tout ça, ça me parle complètement naturellement. Quand je suis sur scène, quand je fais tout ça. C'est côté enfant aussi, hein, voilà. Spontané. Alors que je reconnais que voilà, dans la musique, je peux faire des sons, des trucs. Et c'est là où je dis je bidouille parce que je sais que c'est pas. Il n'y a pas la résonance vitale. C'est instinctif et non pas réfléchi. Oui. Ça va pas me parler au même endroit. Okay, ouais. Mais ça pourrait un jour, donc ça m'amuse d'aller gratter par là. Mais tu es conscient que c'est pas de la sous-musique. Non, c'est pas encore pour moi un langage naturel. Ah oui, d'accord. Ouais. Et ça, comme je pense que ça. Il faut que tu réfléchisses en anglais pour parler en anglais. Oui. C'est ça, j'annonce des choses là-dedans. Et ça, faut en être conscient aussi. Parce que c'est. Mais il faut être conscient de ses limites également. Oui. Et comme ça nous évite de travailler pour rien. Et je pense qu'on crée des langages, effectivement, à soi, mais qu'on le sent quand un langage on a sous le pied, il s'est élaboré quelque chose, ça commence à être riche de quelque chose, on le sent, c'est gustatif, quoi. Puis on sent quand il y a des domaines où on a des langages un peu frustres, quoi, un peu. Alors on va faire avec, hein, mais... Mais en même temps, il y a des arts qui nous interpellent, et il y en a d'autres qui ne nous intéressent pas, on peut pas... Ouais, moi je crois quand même qu'ils m'intéressent tous, donc je me sens frustré dans certains de ne pas avoir assez de... Mais bon, voilà. Au même titre que la chanson, le cinéma, la cuisine, parce que la cuisine est un art. Oui, alors dans ce cas-là, c'est vrai ça. Que c'est... Ça, c'est il y a des choses qui nous intéressent un peu moins. Oui, c'est vrai. Alors, enfin, moi, je m'y intéresse. Alors, c'est marrant parce que tu parles de la cuisine. C'est que je le fais passer par mes fourches codines, par mes visions. C'est-à-dire que j'ai un grand plaisir à c'est pas de la cuisine du tout. À manger des trucs... brut, presque très simple, comme ça, mais parce que j'ai l'impression que c'est presque un rôle que je me donne, quoi. Okay. Donc, j'ai l'impression d'être dans quelque chose de... Oui, et du coup, ça me fait plaisir. Oui. Ça me fait plaisir de manger les machins comme ça, et j'ai plus de plaisir... Et de cuisiner, de dire, je suis... Et oui, et c'est marrant parce que c'est vraiment... Ça doit être une façon, je m'en aperçois en te le disant, tu vois, que ça doit être une façon quand même, dans ma vie, j'ai peut-être pas assez de recul pour ça, je dois vivre pas mal de choses au travers de rôles dont je m'aperçois pas bien. Et il y a des rôles qui m'ennuient. Et par exemple, si je vais dans un restaurant, au bout d'un moment, je vais m'ennuyer rapidement parce que c'est un rôle qui va m'amuser peu de temps. Un rôle secondaire, peut-être. Un rôle secondaire, un rôle un peu social, un peu dans lequel, bon, j'ai pas grand-chose à puiser. Ou il y a des conventions qui te plaisent moins. Je sais pas les jouer, peut-être, tout ça. Simplement. Ou tu veux pas y adhérer. Peut-être je veux pas y adhérer, peut-être j'ai pas les outils assez développés, je suis pas... Ou t'as pas d'intérêt. Ouais, j'ai pas d'intérêt, Il faut pas avoir peur de dire que j'ai pas d'intérêt. Non, j'ai pas peur, mais exemple, c'est vrai. De me retrouver avec des enfants, j'ai aucun intérêt. Il y a des gens qui n'ont pas d'intérêt. Oui, oui, non, c'est vrai, il y a des domaines où j'ai pas. Mais je m'aperçois effectivement que certainement que c'est des rôles. C'est une façon de vivre finalement, de se retrouver dans des formes de rôle. C'est pour ça que quoi que j'aborde, quand bien même je ferai un dessin, et quand bien même je ferai de la musique ou quoi, finalement ça passera d'abord. Ça va me stimuler si ça passe par une forme d'incarnation de rôle, même si elle est infime, même si elle semble être moi. Mais je m'aperçois de ça en fait, que contrairement, pas contrairement d'ailleurs, mais je dois quand même être un peu comédien sans, malgré moi tout le temps. Quoi. Mais autour de nous, nous ne sommes que des comédiens. Oui, mais moi j'en étais pas sûr. Ok. J'en étais pas sûr à ce degré-là. À ce degré-là. Mais c'est aussi parce que ça m'intéresse, hein, parce que c'est un truc passionnant. Tellement passionnant que le théâtre ne m'intéresse plus du tout. Il ne m'intéresse que la création de la bestiole, en fait, l'incarnation. Si je vais voir quelque chose au théâtre, je ne vais pas arriver à m'intéresser tellement à ce qui se passe. Je vais regarder des gens en train de faire quelque chose. Okay, ouais. Et l'essence là, oui, de quelque chose, là. Je vais regarder comment on va au safari, regarder des animaux. Hein. C'est vraiment, vraiment. Un jardin zoologique. Ah oui, et si, d'ailleurs, ma passion de base, elle vient de là. Hein. J'allais voir les animaux comme des personnages. Au-delà du réel, est-ce que tu te souviens de la série? Oui, oui, très bien. À un moment donné, c'est nous qui sommes en prison et les animaux nous regardent. Ah oui, c'est formidable ça. C'est formidable. Ben, c'est déstructuré. C'est mon premier souvenir de très grands acteurs, c'est le jardin des plantes. Hein. Je l'ai souvent dit, mais je n'ai pas peur de le répéter parce que c'était d'aller à la Fauverie et de voir ces lions. Comme ça, qui était énorme, gigantesque, qui m'a impressionné, qui haletait à 210 mètres de moi avec leur odeur et qui me regardait avec un profond dédain, qui était dans leur pauvre cage, là, comme ça. Qui était en prison. Et qui, en même temps, ne faisait rien, qui était un spectacle merveilleux, malgré tout. C'était ça, la cruauté de leur situation était pour moi un spectacle magnifique. Il n'y a rien de pire que les jardins zoologiques. Et en même temps, ils ne faisaient rien pour me plaire. Ils étaient eux-mêmes, quoi. Et pour ils moi, étaient purs. Ils on, étaient purs, on, oui. On parle de pureté, ils étaient purs. Ils jouaient aucun rôle. Et un grand acteur comme ça, c'est, pour moi, c'est comme un animal. Comme ça, c'est quelque chose qui n'a... Il ne fait rien pour me plaire. Il est là parce qu'il est emprisonné dans son machin, quoi. C'est parce qu'on l'a amené là aussi. On l'a amené là. De force. Mais il y a un peu de ça, hein, si tu veux. On l'a sorti de son élément pour le présenter aux humains qui, eux, vont payer pour... Et un personnage, c'est un petit peu ça aussi, hein. Parce qu'il a sa vie par ailleurs, mais finalement, le moment où on vient le montrer... Ah oui, les gens vont payer, oui, c'est vrai, pour le voir, s'exhiber. Et il y a quelque chose de carcéral pour moi. C'est pour ça que je ne suis pas très théâtre de rue, tout ça, etc., parce que je n'y retrouve pas les dimensions de cet espace où tout d'un coup, la chose s'enferme. Quoi. Ah oui, la bête. Et j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça pour que tout d'un coup, je sois à 2 cm du truc. Là, je me dis, je peux le toucher, je ne peux pas le toucher, c'est dangereux, c'est pas dangereux. J'ai besoin de cette lanterne magique là. C'est aussi le déséquilibre entre tout ça. Oui, t'as raison. On entre dans un endroit clos, on nous propose quelque chose, allons-nous y adhérer. C'est un peep show, hein? Oui, exactement, oui. Qu'est-ce qui se passe là, quoi? C'est le côté train fantôme, presque, etc. C'est vraiment, quand je dis l'essence du personnage, c'est très basique. C'est la boîte, quand je parlais des petites des baraques de la foire d'Anvers, moi j'ai un souvenir de ça, parce que j'allais voir des striptease assez minables, qui étaient très jolies, comme ça, très poétiques, finalement. Et ce qui me faisait le plus fantasmer là-dedans, c'était d'abord, il ne se passait rien. Les filles ne croyaient pas trop, les bons hommes sont là, machin, avec leurs mégots. Moi j'habitais là, je donnais sur le boulevard, là. Et le sol, comme c'est juste des baraques, il n'y a pas de sol, c'est le sol du trottoir. Et il y avait une émotion, presque une mise en abîme de ça, de se dire, ah ouais, c'est le sol du boulevard où je vais tous les jours. Et là, tout d'un coup, ça devient le sol du théâtre, du truc, tu vois. Et ben pour moi, je trouvais ça incroyable, quoi, parce que c'est fait avec trois fois rien, quoi. Et ça, c'est fort, c'est l'univers de l'enfance, ça. Avec trois fois rien, on y croit, on met trois draps. Moi, je faisais ça petit, quoi. Trois draps chez soi, trois épaules. Une boîte en carton, puis on est dans une voiture. Ça, c'est... Mais ça, c'est... C'est fantastique. Ça, c'est réellement fantastique. Ouais. Ça, c'est réellement fantastique. Et moi, je me suis jamais lassé de ça. Jamais lassé de ça. Donc, je trimballe ma chambre partout. Alors, tu embarques dans ta boîte en carton et tu pars. Ah oui, vraiment, toujours. Et ce sont des écritures. Je me suis aperçu que cette énergie de l'enfance-là était une forme d'écriture, très fruste, mais qui existe. Une écriture mentale de l'univers, des choses. Est-ce que tu te considères comme un comédien actant en tout temps? Acteur comment? Un comédien actant en tout temps. Est-ce que tu te considères... Est-ce que tu joues un rôle? Est-ce que l'humain joue un rôle, son propre rôle? Je sais pas, je sais Est-ce pas qu'on peut trop répondre à ça. À se déshabiller de tout ça. Ah oui, je crois qu'on arrive. En fait, dans l'écrit, quelque chose qui passe par l'écriture. En fait, il y a quelque chose où le fait de jeter. Pourtant, je me prends pas pour un littérateur, mais le fait de chercher, d'écouter son incohérence, je dirais. Je parle pas de construire des choses, etc. Mais que les choses se jettent comme ça. Oui, il y a quelque chose qui s'en va complètement là, qui est plus du tout et qui est impressionnante. Thank you. green from the man at the top. It's a shame that his children disagree. They coolly decide to sell him down the line. That is brainwashing time. He's a dodo. Chose each other. Now the clerks are due. Another memo to screw. She's a dodo. Without them slotting in your pile of photographs. Can you sleep alone at night? Wake to find the scorching light of neighbor Jim has come to turn you in. Not the do-do, no-no, didn't hear it from me. Another do-do, no-no, didn't hear it from me. David Noir, excuse-moi, dis-moi David Noir, pourquoi le David? Ah, David, c'était peut-être une référence. J'avais le D en tête, oui, c'est pour ça que je ne voyais pas de okay. D. Oh, ouais, David. Oh, David, c'est peut-être. C'est un... On m'a demandé, parce que ça s'est fait un peu à plusieurs, cette histoire-là. On m'a demandé qui. Voilà, qui j'aimais, j'étais plus jeune que ça, et puis sans doute Bowie, okay. Ouais, qui était important pour moi. C'était un petit hommage. Le travestissement aussi, hein, de Bowie, le fait ouais. D'être un caméléon. Et de pouvoir... Ah, ben il m'a apporté, quoi, ben, comme à plein de gens. Il, a, ouais. Ah, ouais. Il m'a apporté énormément. Il m'a... Oui, je peux te dire, c'est presque comme un. Jusqu'à on la se mort. Connaît pas. Hein. Ouais, ça reste mythique jusqu'à la mort, ce bonhomme-là. Et puis c'était comme un ami, un compagnon de tous les jours, parce que c'est pas juste la musique, c'est quelquefois. On sent bien, comme, même si on les connaît pas, un certain humour qu'il avait, une façon d'être qui me. Une intelligence, une finesse qui est peut-être pas si courante que ça dans le rock'n'roll. Ouais. Et ouais, j'ai trouvé une grâce extraordinaire dans sa présence humaine, tout simplement. C'est au-delà de la musique, en fait. Là aussi, je m'intéresse à la musique que par le biais de sa théâtralité et de ce qu'il a amené, mais ça a souvent été comme ça pour moi. Déjà là, quand tu es un artiste, tu peux choisir de garder ton véritable nom et prénom ou changer. Alors quand tu changes, puis qu'on te dit noir, là tu dis ok, là c'est pas moi en tant qu'être humain qui est venu au monde sous un autre. Alors tu veux vraiment te démarquer les deux. Oui, je l'ai adopté facilement. C'était. Est-ce que tu t'appelles plus par ton véritable nom? Ah non, ça, je. Ah, c'est terminé, tu c'est terminé. Oh, on peut jamais vraiment le jeter, peut-être mais... Peut-être tes frères ou tes sœurs, si t'en as... Non, j'en ai pas, mais non, personne ne m'appelle comme ça. Okay. Non, on m'appelle David, David Noir, et puis voilà. Et c'est très bien comme ça. Non, j'y ai... Mais comment t'as fait pour te dépouiller de ton véritable nom? Ah ben, j'en avais un grand besoin. À quel âge que tu as fait ça? Pas te dire de bêtises, c'était ça remonte à il y a 20 ans, 25 ans, je sais pas. Okay. Ouais. J'étais déjà, voilà, tous les jeune pays, adulte. Toi. Ouais, ça c'était très. J'ai quasiment sauté sur l'occasion. Ouais. Elle est trop belle, Billy. Et j'ai voulu travailler très rapidement sous ce nom-là, etc. Ouais, c'est très important. Alors, tu as forgé. J'avais besoin. Tu t'es forgé un personnage sur le nom et le prénom que tu t'es donné. Je ne l'ai pas pensé comme ça. Hein. Je l'ai. C'était. Ça coulait de source, voilà. Aucun questionnement, c'était plus. On parle de pureté depuis le début, c'est ce qu'on essaye de tendre aussi. Et c'était sans questionnement en tout cas, oui, c'est vrai. Mais je l'ai, voilà, c'est, c'est aussi, je le dois aussi à Alessandro Jodorowsky, avec qui je faisais une séance à ce moment-là de son théâtre de la guérison, etc., qui m'a proposé ça, et puis je l'ai volontiers accepté parce que ça s'est bien passé. Ouais. C'était... Alors c'est des croisements de chemin aussi. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Et oui, c'est, alors pour le coup, c'était vraiment sans réflexion. J'ai pas eu l'ombre d'un doute, mais dit voilà, c'est parti. As-tu de la difficulté de vivre en société? Oui, je pense, je pourrais pas dire le contraire. C'est trop. Je me sens pas forcément. Alors ça dépend de ce qu'on appelle la société des gens. Société spectacle, comme de... Non, les gens, voilà, on se rencontre. On est dans les une société que... spectacle. Non, je suis pas du tout asocial. J'aime beaucoup rencontrer les gens, parler, fréquenter les gens. Non, après, plus largement dans la société, je trouve que c'est brutal, quoi. J'aimerais quelque chose de plus policé, de plus, je suis peut-être très bourgeois comme ça, mais je le revendique. Par exemple, j'ai adoré aller au Japon parce que, quelques temps, hein, j'avais visité Tokyo simplement, parce que j'étais complètement transparent là-bas, j'étais un Européen, ils s'en foutent complètement, je comprenais pas, j'adorais ne rien comprendre. C'était formidable. Et comment tu fais pour manger, pour aller dans un resto? Tu pointes du doigt ou... Oh ben, ça me plaisait d'apprendre 2-3 mots quand même. J'avais mon petit livre, puis on se débrouille toujours. Bien sûr, c'est pas compliqué de se débrouiller pour ça. Mais j'appréciais cette quiétude, mais c'est cette autre vie, politesse. C'est une planète. C'est une planète, cette politesse quand les gens, c'est vrai. Il y avait un agrément comme ça à pas... être dans ce calme-là. Il y a un certain calme. Est-ce que tu vois comme moi aussi que chaque individu est une planète qu'il faut conquérir? Oui, bien sûr. Faut, oui. Pas forcément conquérir, d'ailleurs. Non, heureusement, parce qu'il y en a qui ne nous intéressent pas. Mais chaque individu est une planète. Oui, oui, ah ben oui. Ça, c'est vrai. Une sorte de microcosme étrange, avec toute une constellation de choses. Oui, bien sûr, je vois comme ça. Une planète avec des tas de couches, justement. Un sédiment, un noyau, des choses assez intrigantes. Bien sûr. Après je l'ai, et je trouve que ça, justement vis-à-vis des planètes, c'est tout à fait ça, c'est que c'est aussi intéressant. J'ai pas peur d'avoir des relations aussi très superficielles, en fait, très comme ça, je cherche pas forcément à les creuser. Cerveau, c'est la superficialité. Oui, c'est bien. Bah, d'ailleurs, bah, oui, il avait une approche très intéressante de la superficialité comme ça, parce qu'elle était très créative, de pas approfondir les choses, et ça m'intéresse aussi. Il y a pas la manière. Et c'est comme les planètes. Il y a des manières. Voilà, il y a des planètes, c'est très... Justement, c'est un bon exemple, les planètes, parce qu'on les trouve ça magnifique de loin. Mm. Donc, quelquefois, on n'a pas besoin d'en savoir plus. Et puis, c'est aussi certainement passionnant d'être de près, de pouvoir recueillir de la matière, d'être dessus, d'y aller. Mais ce qui est fou aussi, c'est quand tu regardes une étoile, elle n'existe plus. Oui, elle n'existe plus, c'est voilà. Fou, hein? Il y a des gens comme ça aussi. Oui, c'est vrai. On a l'impression de les... C'est des spectres. Des spectres, oui. Et en même temps, c'est merveilleux. David Bowie était un spectre. Oui, ouais, c'est vrai ce que tu dis. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de merveilleux là-dedans. Ouais. C'est pour ça que son disque, c'est une étoile. Mais pas la vedette, l'étoile entière, l'étoile, oui. L'étoile, oui, la vedette, l'étoile. I'm a black star. Noire. Oui, oui, l'étoile noire. Quel homme. Une fin extraordinaire. Une écriture d'un bout à l'autre. Hey, mais si tu peux préparer une chute semblable dans ta vie, c'est tout. C'est magnifique, oui, je suis d'accord avec toi. En 24 heures, tellement... il n'était même plus de ce monde, même mort, mais même plus là, en tant qu'être humain, il s'est fait brûler. Oui, oui, oui. J'ai 10 questions, j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est fou. Si tu étais un liquide. Ah, si j'étais un liquide. Je dois dire ce qui me vient par la tête immédiatement ou je dois réfléchir? Je ne sais pas. Je vais dire du formol. Du formol? Ah ben oui. Mais ça pue, ça. Hein? Ça pue, hein? C'est terrible. Oui. C'est terrible. Oui. Mais bon, c'est... As-tu déjà vu un fœtus quand tu formes? Oui, j'en avais plein. J'avais des fœtus, pas humains, mais d'animaux. On n'a pas le droit d'avoir des fœtus humains. Non, sans doute pas. Non. C'était une ville. Qu'est-ce que je serais, mon Dieu, une ville. Riga, j'étais il n'y a pas très longtemps à Riga. C'est en Lettonie, je ne vais pas dire de bêtises, oulala, oui. Okay. Et c'était très beau. Si tu étais une langue. Une langue. La langue elfique, là, j'aimais bien dans Le Seigneur des Anneaux. Oui. C'était assez joliment fait. Oui. Oui. Peter Jackson, quel génie. Ah, pour ça, c'était bien réussi. Ouais. King Kong, c'était moins bien. Oh non, non, ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la vraie bien, tu vois. Ouais. Non, mais quand une version classique, exceptionnelle, va pas refaire la même chose. Bah oui, c'est dommage. Comme ils ont fait Psychose avec les mêmes, ah, oui, les mêmes nul, plans de caméra, c'est de la merde. C'est, en fait, c'est très éducationnel. C'est vraiment presque de la masturbation cinématographique. Si tu étais une époque. Une époque. Non, je dirais. J'hésite entre le 19e siècle et le Jurassique, mais on va aller au Jurassique. Pourquoi? Ah, parce que j'ai rêvé à ça enfant, bien avant que ça soit à la mode, de rêver aux grands dinosaures, tout ça, c'était. Je passais mon temps au Muséum d'histoire naturelle, quoi. Donc le Crétacé, le Jurassique, le Trias, tout ça. Je voulais les voir réellement. D'ailleurs, j'étais extrêmement déçu. J'y vais plus trop, mais j'étais tellement enfant, je passais mon temps là. Alors, tu en as vu des grandeurs nature? Ah, bah oui, leur squelette en tout cas. Oui, et je rêvais. C'est compliqué de les voir en vrai. Je rêvais à ça, oui. Si tu étais un mot. Un mot. Qu'est-ce que je. Alors, je ne veux pas dire ce qui me vient comme ça, parce que ce qui me viendrait d'emblée, je ne sais pas pourquoi, c'est cholestérol. J'en ai pas. Mais... Ah, cholestérol. Oui, c'est curieux, hein. Non, mais c'est beau, cholestérol. C'est beau comme mot. Il y a cholestérol. Pourquoi je dis ça? Collatéral. Ouais. Oh, cholestérol, parfait. Bon, alors gardons-le. Oui. Hein. Si tu étais une saison. Une saison, bon, ça c'est banal, mais c'est vraiment le printemps. C'est tellement bref et j'aime tellement ça. Ouais. C'est court, très court, mais j'aime ça. Ouais. Est-ce que c'est un moment où tu te sens créatif beaucoup plus que les autres? Non, c'est un moment où je suis tellement frileux. Que je l'attends avec impatience. Ouais. Impatience, je trouve qu'il fait tellement froid ici. Si tu étais un membre corporel. Un membre corporel, j'ai pas peur de dire un pénis, un beau le pénis. Tien? Ouais, le mien, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce qui te plaît sur le tien? Je trouve qu'il a. Tu le connais? Je le connais, il a un charme, c'est un ami. Je le vois comme un ami. As-tu vu le film Marquis? C'est de film avec de. Des bandes dessinées, c'est un film belge. De... Ah bon, c'est pas Topor? C'est pas. Ah, bah, Topor, exactement. C'est Topor qui avait fait le dessin. Oui. C'est un personnage, un chien, non d'ailleurs. Oui, il a une tête de chien, exactement. Un marquis. Il parle avec son pénis. Il se blesse à un moment donné, ouais. Parce que. Je l'ai pas vu, mais je vois beau. Très bien ce que c'est. C'est beau. Mais je vois les dessins en tout cas. Candidate. Oh yeah. It's a matter of life. And the way you walk, you've got a real green queen. You've got a real green queen. It's a matter of tact. And the things you talk that keeps his passport clean. His passport. A matter of fact. That a cock ain't a cock on a 12-inch screen. On a 12-inch screen. So I'll pretend I'm walking. You don't have to scream a lot to predict monsoons. You don't have to paint my contact black. Now I've hustled a pair of jeans. Do I have to give your money back when I'm the Furaline? Make you a deal. I say I came from Earth and my tongue is tape. And my tongue is tape. I'll make you a deal. You can get your kicks on the candidates. On the candidates. Make you a deal. For your future's sake, I'm the candidate. I'm the candidate. Let's pretend we're walking home. Errance Rinaldienne sur CKRL-MF, le 89 à Québec, avec Rénald Dany. Not sure. fille d'à côté, elle arrêtait vraiment, elle riait. De gêne, de défense, de quoi de... Ah, je ne sais pas, je n'ai jamais demandé, mais elle riait de voir un pénis qui partait, qui s'en allait. Moi, j'ai trouvé ça très poétique. Oui, c'est très poétique. Poésie. Si tu étais un moment de la journée... Ah, le matin, très tôt le matin, oui, ça, c'est un moment préféré. Tard, ben avec le musical, sans doute. Alors oui, quand on joue, je me couche tard, mais si je peux, j'aime aussi me coucher à 10h et me lever vraiment à 5h. Et cette impression où de passer la nuit, comme ça, souvent je travaille comme plein de gens, quoi. L'impression que tu sais que le monde t'appartient la nuit, quand t'es tout seul à ton ordi, t'écoutes un peu, parfois la radio, parfois pas. Quelle radio? Oh ben, France Culture la nuit. Mmh, c'est beau. Surtout France Culture la nuit. La journée, j'ai plus de mal parfois, mais... Parce qu'à côté, comme ils le disent, une mémoire radiophonique, des choses des années 40, des choses... Ça m'enchante, moi. C'est vrai. Ça m'enchante. C'est un trésor sonore. Oui. Ouais. Oui, le son, c'est une chose merveilleuse pour moi. La radio, c'est merveilleux. Puis on dirait que ça nous rend intelligent. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ah, c'est comme Radio Nova. Moi, j'écoute ça, puis on dirait que la musique me rend intelligent quand j'écoute Radio Nova. Oui. Moi, j'ai plus... que c'est des gens qui connaissent bien la musique. Ouais, c'est et possible. Qui nous prennent le meilleur, selon eux, le meilleur de chaque... mondial, c'est très, tu sais, c'est universel. Oui, je connais un peu. Tu peux avoir une chanson africaine. Oui, tout à fait. C'est vraiment un flop. Tiens, tu vois, j'écouterais parce que j'écoute plus. C'est ça, mais ça m'intéresserait. Par accident. Ça m'intéresserait ça. Cette nuit. Ah bah tu vois. Parce que je dormirais peu, je suis insomniaque. Oui, t'es insomniaque. Si tu étais un moment de la journée, on l'a dit. Si tu étais un autre individu. Ah, un autre individu qui j'aurais aimé être ou un autre individu? Au présent, passé, un personnage, quelque chose ou quelqu'un que tu as. Un autre individu, j'aurais dit Ziggy Stardust. Ah, yeah, oui. Et sans ça, j'aimerais être un chien ou une chienne, en tout cas. Quelle race? Oh, peu importe un la race. Un petit ou un grand? Ah, moi j'aime les boxers. Ok. Mais peu pourquoi? Importe. Parce que est-ce que c'est la physionomie qui t'a... Non, parce que j'en ai eu enfant. C'est tellement... on dirait un petit être humain, comme ça, avec sa musculature. Ils me touchent énormément avec leur physionomie. Mais j'aime tous les chiens. Mais je voudrais être dans la tête d'un chien. Je voudrais penser comme un chien, voir ce qui les obsède comme ça. Plus qu'un chat. Si, j'aime les chiens aussi, mais les chiens, j'ai une affection spéciale, ils me touchent infiniment, leur regard, leur compassion. J'ai écrit plein de textes sur les chiens. J'écris « Les chiens ne cessent de nous montrer qu'ils bandent pour nous inlassablement, parce que ce regard qu'ils ont à attendre, à vouloir savoir ce qu'on pense, où est-ce qu'on voudrait aller, les pauvres, je leur dis « Mais laissez-nous tomber, vous êtes fous, mais... » Ils ont tellement envie de savoir ce que tu penses, où tu voudrais aller. On ne te juge pas, le chien ne te juge pas. C'est insensé quand tu penses que c'était des... Ça vient du loup, on le sait, tous les chiens viennent du loup. Oui. En quelques milliers d'années comme ça. Les croisements. Comment ça se fait qu'on ait établi cette communication-là? C'est de la folie, cette ça. Ouais. C'est de la folie, même si c'est... Voilà, on ne se comprend pas bien. Mais ce regard-là, parfois... Puis les expressions aussi... Ça me bouleverse, moi. Ça me bouleverse. Oui. Nous, au Québec, on dit hey, c'est chien. Est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on dit en France c'est chien? Non. Si c'est chien, ça veut dire que c'est. Il faut que je trouve un synonyme. C'est chien, c'est. Exemple, tu me fais quelque chose, ben, c'est chien. C'est, ah, d'accord, je connais pas ça. Tu sais, c'est pas gentil, c'est chien. Ah, d'accord, c'est pas gentil. Oui, c'est vache, on dirait, nous. C'est vache, oui. Mais tu nous, vois, c'est chien. Ouais, ben, pourquoi on a pris le mot chien pour se lancer dans une expression semblable? Ben, oui. C'est vache. Vous, c'est vache, nous, c'est chien. Ouais. Ah, ben, tu vois, je la connaissais pas, cette expression-là. Ou on dit une humeur de chien. Mais pourquoi une humeur de chien? Le chien peut... Oui, nous, on dit c'est un temps de chien. Un temps de chien aussi, quand oui. Quand il pleut, c'est moche. Ouais. Un temps de chien. Ben parce qu'on n'est pas reconnaissant, c'est vraiment l'esprit humain, je trouve ça. C'est, on n'est pas reconnaissant à ce qui nous fait plaisir, à ce qui est gentil avec nous. C'est un vrai. Peu. L'être humain est dégueulasse comme ça, tout comme il dit, ben t'es con. T'es con, c'est quand même le sexe de la femme, quoi. C'est vrai. Tu te rends compte? On n'arrête pas d'insulter toutes les deux minutes. Con comme une bite. Des hommes qui disent con comme une bite. Mais je dis, comment tu reconnais... Con comme une bite. Oui, on dit beaucoup ça en France. Ça veut dire, tu respectes pas ta bite. Con comme une Commence bite. Par t'aimer, toi. C'est horrible. Aime ton corps et tu Oui, ça me saoule, moi, ça, tu vois. Ça m'agresse. Est-ce que tu connais bien ton corps? Oui. Très, très bien. Oui. Est-ce que c'est par le théâtre que tu l'as connu ou c'est dans l'enfance que... Non, c'est partout, par mon intérêt porté par la photo, par la masturbation, par l'envie d'être, par l'épilation, par le fait d'être touché, par la sexe, par plein de choses. Ouais. Tu parles d'épilation, on demande à une, femme, à une femme de s'épiler comme si on baisait une fille de 8 ans. Oui, c'est vrai. Oui, oui, je comprends ça. Ouais. Après, je peux comprendre qu'on ait envie, on a envie de voir les contours d'un sexe, à quoi ça ressemble. De plus, tu vois, on voit moins quand quelqu'un qui est très velu, on va moins le voir. Ben, ça donne une autre... C'est autre chose. Ouais. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'il y a ça, mais en même temps, oui, c'est normal. C'est très juvénile. C'est très juvénile, oui. Mais il faut reconnaître que certainement qu'on a envie aussi de ça. On a envie de ça. Alors, on le fait par procuration. On se l'interdit à cause de la loi. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais oui, moi, ça m'avait passionné à un moment donné d'être... d'être sans poil, tout ça, mais il y a très longtemps, j'ai souffert le martyr. Et puis, il faut s'accepter soi. Alors, à un moment donné, il faut faire tout ce qu'il faut pour s'accepter. Et puis après, on finit par... voilà, moi, je suis content d'être ce que je suis, mais je serais content d'être quelqu'un d'autre. Si tu t'acceptes, tu vas accepter les autres. Ouais. Tu ne peux jamais accepter les autres si tu as un conflit avec toi-même. Ah ben c'est sûr que oui, c'est plus douloureux. C'est plus douloureux si tu t'aimes pas. Ouais, c'est parce que t'as pas vraiment réglé des choses. Oui. Si tu t'aimes pas, te respectes pas à certains endroits, c'est plus douloureux. Non, j'ai appris à m'aimer peut-être. Sobrement, hein, je m'adore pas. Depuis quand t'as appris à t'aimer? Est-ce qu'il y a un moment charnière dans ta vie? Oui, je pense que quand j'ai fait ce film, Les animaux décousus, qui était un de mes premiers longs, justement sur mon corps, sur mon sexe, etc., j'étais obligé de m'intéresser à moi vraiment. Est-ce qu'on peut trouver ça sur Internet? Comment? Est-ce qu'on peut trouver ce film? Oui, il est sur Internet, sur Vimeo. Je me suis coltiné ça, de m'intéresser à moi, d'une façon comme à quelqu'un d'autre. Et, j'ai eu envie de ça aussi, parce que je voyais pas sans ça quoi faire. J'étais trop malheureux sans ça. En as-tu ras-le-bol des standards de beauté? Ah oui. Parce que quand tu vois souvent une belle fille, mais tu vois le beau garçon, tu vois pas une belle fille avec un gars qui n'a pas ce standard-là. Oui, c'est vrai. Comme s'il y a une concomitance. Les beaux avec les beaux, les laids avec les laids, les grosses avec les grosses, les maigres avec les maigres. Non, c'est gonflant, bien sûr, c'est aucun intérêt ça. Et puis c'est idiot parce que très souvent. Ah, puis en plus, ça correspond pas forcément. Il y a des gens qui ont une espèce de beauté de magazine qui sont pas très attirants quand tu les vois réellement. On appelle ça des beautés classiques. Oui. Des beautés classiques, être classique, c'est quand même quelque chose d'ampoulé. Oui. Après, ça dépend parce que. Je sais pas, oui. Moi, pour moi, qu'est-ce qui était beau? C'était une beauté classique. Qu'est-ce qui me faisait rêver d'un jeune? C'était le visage de Garbo, quoi. Ah oui, ok. Le visage de Garbo, c'était. Voilà, j'étais pas le seul. Mais c'est, quand on dit ça, c'est pas sa beauté, c'est sa voix, c'est cette. Comme ça, ce côté, sa prestance, ce regard infini qu'elle a dans les films, etc. C'était lointain. Elle incarnait quelque chose qui me faisait rêver. Donc. A shameless design. Thinks it's well screened from the man at the top. It's a shame that his children disagree. They coolly decide to sell him down the line. That is brainwashing time. He's a devil. Chose each other now. without them slotting in your pile of photographs? Can you sleep alone at night, wake to find the scorching light of neighbor Jim has come to turn you in? Not the doom, doom, no, no, didn't hear it from me. Doom, doom, no, no, didn't hear it from me. Another doom, doom, no, didn't hear it from me. Didn't hear it from me. Des... Voilà, mais c'est pas des traits finalement. C'est des traits avec un cerveau derrière, quoi, si tu veux. Oui, oui. C'est comme chez un gabin. C'est... Oui, oui, c'est des gens qui ont voilà, un comportement. C'est des personnages. Oui. Et finalement, ça sera toujours ça, quoi. Donc, si quelqu'un te fait rêver en tant que personne comme ça, parce qu'il est drôle, parce qu'il est attirant, parce qu'il a son charme, sa silhouette. Mais c'est pas beau, c'était. Mais oui, ça n'a rien à voir, ça n'existe pas. Non, mais souvent, c'est peut-être dans le discours ou c'est dans la connaissance que tu vas. Et qui va se révéler. Qui de toute façon, se révéler dans sa beau, beauté. Voilà, qu'est-ce qui est beau chez Marilyn Monroe, c'est son rire, et son sourire et son regard et sa façon d'être. C'est une façon d'être. Quand les gens sont morts. Son dandisme aussi. Quand les gens sont morts, on voit les corps, ça ressemble plus aux gens. Et même s'il vient de mourir, ben, il est plus si beau. parce que ça ne veut plus rien dire tout d'un coup. D'un coup, ça ne veut plus rien dire. Ben, Gainsbourg n'était pas vraiment beau, mais en même temps, il était beau. Bien sûr, oui, il a beaucoup de... Il était beau dans sa d'étrangeté, pureté. D'étrangeté, de charme, de bah, son intelligence aussi. C'est ça, mais la beauté vient de l'intelligence. De toute façon, il n'y a que ça, oui, il y a que ça vraiment qui est attirant, parce que la bêtise, c'est pas très attirant. Non, non. On ne peut pas en faire grand-chose. C'est vrai, mais c'est limitant. Moi aussi, ça limite beaucoup. Oui, ça n'a pas beaucoup de charme. Non. Sincèrement, pas de charme. C'est vrai. Si tu étais une phrase... Une phrase, c'est compliqué, c'est ça. C'est rare que je la... Que je la place celle-là, mais je trouve que ça va bien avec notre rencontre. Si j'étais une phrase, je dirais c'est rigolo comme phrase. C'est rigolo comme c'est phrase. Rigolo. Non, c'est rigolo. C'est ce que dit Bardot dans une chanson là. C'est rigolo, c'est rigolo. Ah c'est oui, rigolo. Oui, quelle belle chanson, c'est vrai. Je l'aime bien cette chanson là. C'est très léger. Très léger. Parce que c'est vrai qu'au fond, je pense que j'aime. Enfin, je trouve que les choses c'est rigolo plutôt, souvent. Parce que tu, en fait. Tu as mis tes lunettes d'approche d'une autre manière. Oui, oui, oui, oui. Ça m'empêche pas de voir le drame, le tragique, le truc. Mais dans la vie, je dis pas tellement rigolo. Je dis plutôt, j'y ai pensé à cause de la chanson. Mais je dis souvent, c'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. Ouais. Pour ouais, dire. Ça, souvent, c'est drôle. Et les gens comprennent pas toujours parce que je parle à des acteurs. Je dis, tu vois ce qui est beau dans, je dis dans m'aider ou quoi, c'est qu'elle est ou genre ou je dirais même pour la Calas, tu vois, c'est qu'elle a quelque chose qui est drôle. Ouais. Qui est, ils me comprennent pas souvent. Mais pour moi, ça veut dire qu'elle est attachante parce que. Par exemple, la Calas, je ne l'ai pas connue, mais elle me touche comme une enfant. C'est une enfant attachante, j'ai envie de la prendre sous mon bras et de la protéger, et de lui dire tellement. On sent, alors que c'est une dame qui fait peur, a priori. Oh, oui, oui. Non, mais on la sent. Oui, mais on la sent. Elle, est comme une, elle a des sourires, on la voit comme une petite fille. Et elle est tellement belle, elle est tellement mignonne, et on a envie de lui dire, laissez-la tranquille. Là. Ouais. Tu elle vois? Est fragile. Elle est fragile. Elle a pas l'air, elle est fragile. Elle a, oui, mais oui. C'est comme Dietrich. Bien sûr. Elle montre son côté un peu... Et Garbo aussi, ah, qui ne voulait pas, ah, oui. Qui pouvait pas tourner. Elle voulait qu'il y ait personne. Elle a peur, elle a peur. Bah, ça fait de la peine, on a envie de les rassurer, tu vois. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui, je me débrouille comme je peux, mais c'est pas trop mal. J'aurais pu faire mieux, mais... Hein. Mais oui, parce que... Tu aurais pu faire pire aussi. Pire aussi. Oui, parce que j'ai pas trop honte. Ça, pour moi, c'est très important. J'ai pas trop honte de ce que je... Du résultat. Non, de ce que j'ai fait. Je veux dire, je me suis pas trop compromis dans des trucs qui me plaisaient pas. Et pour moi, c'est très important de pas avoir honte de soi. Tu es intègre. Tu essaies. Faut pas être trop prétentieux, mais... Non, mais tu es intègre avec... J'essaie. Oui, j'ai pas trop honte. Puis j'ai travaillé aussi déjà, pas avoir honte de mon corps, pas avoir honte de... C'est très important, quoi. Sans être prétentieux, mais je voulais pas vivre avec une honte. Parce que j'ai vu mes parents très, très pudibonds souffrir de ça, souffrir du corps, souffrir des choses comme ça. Je trouve qu'on peut pas vivre comme ça, j'ai pas envie. Puis en plus c'est superficiel le corps, c'est... Oui, parce oui. que ça se transforme. Ça se transforme, ça se travaille bien sûr, et puis on vieillit de toute façon, et puis on finit dans une boîte ou pas, mais c'est pas très important. Je voulais pas vivre avec ça, avec cette honte-là. Et je pense que la pensée transforme le corps. Le sourire transforme le corps. Ouais. Illumine, et on transforme ses mains, on transforme son nez, on transforme. Tu vois ce que je veux dire? On peut transformer. On peut transformer parce qu'on transforme le regard. Et c'est très important ça. Et tu disais il y a quelques minutes, on finit dans une boîte. Est-ce que tu veux finir dans une boîte ou être libéré? Non, non, je voulais finir. Je voulais qu'on me mette comme sur la scène, là, tout nu dans un drap, sur la terre, dans la terre, quoi, comme ça, mais je crois que c'est pas possible ici. Mais c'est joli. C'est joli, un corps comme ça, tout nu. Voilà, c'est juste le corps. Moi, j'aime bien ça. C'est une masse. C'est une masse. C'est une matière. C'est ce que j'ai été. Bon. On est né comme ça. Voilà, moi, ça me plaît. Mais je crois que c'est pas possible. Donc, je me renseignerai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Je crois que c'est éthiquement impossible. Non. L'éthique. Ouais. J'essaierai d'être exposé comme ça au moins un petit peu avant. Hein. Ah oui, ok. Puis, dans une... Voilà. Dans ouais. Amsterdam. Voilà, oui, oui. D'être, voilà. C'est comme ça que j'ai vécu. Hein. Oui. Ah oui, oui, c'est ça, effectivement. Reynaldo, je passe juste te faire la bise. Salut. Ça va? Ça va bien, toi? Bah oui. Pardon, tu es en pleine interview. Bonjour. Bonjour. Bonjour, enchantée. Ma compagne Aurélie Noblesse. Bonjour, bonjour, ça va? Comédienne de grand talent et élève de Brigitte Bouchot. Oh oui, ok. Ah, ben là, ok. De l'école Claude Mathieu. Oh, parfait. Bon, je voulais être. On n'a jamais eu l'occasion d'en reparler, mais te remercier de cette interview que j'ai écoutée depuis l'Inde. Ben voyons. Ma propre interview écoutée depuis l'Inde. Ah, ben écoute, c'est touchant. C'était fou. Ah, c'est cette interview-là, ça y est, j'y suis. Ah, mais c'est touchant. Ben merci. Eh ben merci à toi. Je te laisse continuer, mais je t'ai aperçu. Ben parfait, mais je suis toujours dans ce coin. Je te fais la bise. Ah, ben excellent, excellent. Ben à la revoyure. À la revoyure. Salut, merci. Salut, bye bye. À la prochaine. C'est fou parce qu'ils me disent absolument rien. C'est génial ça. Je ne l'ai jamais rencontré. C'est pas possible. Ouais. Tu t'en souviendrais si tu l'avais interviewé? Oui, ben oui. C'est un mythomane alors. C'est insensé ce que tu dis. Oui. C'est vrai, tu ne l'as jamais rencontré? Je ne l'ai jamais rencontré. Mais il sait mon nom, mon prénom. Bah oui, il t'appelait Rénal. Comment c'est possible? J'ai jamais rencontré ce gars-là. Ça paraît fou. Mais j'ai en parlé à Brigitte. Ah oui, oui. J'aurais dû le prendre en photo. Oui, c'est spectaculaire ça. Oui. Tu parlais des choses de... Ouais. Tu vois, ah, ben, là, on est dans des, oh, oui, des méandres, on, de l'esprit. On est dans le surréel. On est dans le surréel, on est dans du Lynch là. Oui, ah, on est dans Lynch, du Lynch. Ouais. Oui. Au même titre qu'avant-hier, je discutais avec une actrice. J'étais au Saint-Jean. Ouais. Et j'avais vécu ça, mais je ne sais pas comment. Ouais. À ce moment-là, avec elle. Ouais, je comprends, et on a déjà dit, eu j'ai arrêté notre rencontre pour lui dire écoute, c'est bizarre, mais j'ai vécu ça. Après, on est reparti sur une discussion. Mais j'ai jamais connu ça, j'ai jamais vu ce nom. Ou peut-être la barbe, mais ça ne me dit rien. Ah oui. Peut-être qu'il n'y avait pas de barbe. Ah oui, c'est ça, oui. Il n'y avait pas de cheveux, je ne sais pas, mais comme ça, là, il me dit absolument rien. En tout cas, c'est troublant. Oui, oui, troublant. Ouais. Est-ce que je peux prendre des photos? Oui, bien sûr, bien sûr. On va rester dans ce trouble, dans ce halo. Oui, oui, oui. Ouais. Cette étrangeté. Oui, dans cette étrangeté, oui. Eh bien, comme je dis souvent, à la revoyure, puis on va fermer le micro. Oui, à la revoyure. À la revoyure, merci. Cock on a 12-inch screen. On a 12-inch screen. when I'm the Furaline. Make you a deal. I say I came from Earth and my tongue is taped. And my tongue is taped. I'll make you a deal. You can get your kicks on the candidates. On the candidates. Make you a deal. For your future's sake, I'm the candidate. I'm the candidate. Let's pretend we're walking home. Got your mother in a whirl. She's not sure if you're a boy or a girl. Hey, baby, your hair's all right. Hey, baby, stay out tonight. You like me and you like it all. You love dancing and you look divine. You love bands when they play it hard. You want more and you want it fast. Put you down, you say I'm wrong. You tack a thing, you put them on. Yeah, yeah. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.